FSI French Revised, Unit 2, Tape 3. Lexical Drill B7. Ma famille arrive ce soir. Ma famille arrive ce soir. Demain. Ma famille arrive demain. Le gérant arrive. Le gérant arrive demain. À midi. Le gérant arrive à midi. Janine arrive. Janine arrive à midi. Plus tard. Janine arrive plus tard. Ma sœur arrive. Ma sœur arrive plus tard. Aujourd'hui. Ma sœur arrive aujourd'hui. Les bagages arrivent. Les bagages arrivent aujourd'hui. Ce soir. Les bagages arrivent ce soir. Ma famille arrive. Ma famille arrive ce soir. Lexical Drill B8. Vous désirez quelque chose, monsieur? Vous désirez quelque chose, monsieur? Vous voulez? Vous voulez quelque chose, monsieur? Une chambre? Vous voulez une chambre, monsieur? Madame? Vous voulez une chambre, madame? Vous avez. Vous avez une chambre, madame? Vos bagages. Vous avez vos bagages, madame? Mademoiselle? Vous avez vos bagages, mademoiselle? Vous voulez? Vous voulez vos bagages, mademoiselle? Quelque chose? Vous voulez quelque chose, mademoiselle? Monsieur? Vous voulez quelque chose, monsieur? Vous désirez? Vous désirez quelque chose, monsieur? Questions on the dialogue. Où est monsieur D? Monsieur D est dans un petit hôtel. Que voudrait-il? Il voudrait une chambre avec salle de bain. Est-il seul? Oui, pour quelques jours. À quel étage est la chambre? La chambre est au premier étage. Le gérant va-t-il conduire Monsieur D au premier étage? Non, la femme de chambre va conduire Monsieur D au premier étage. La chambre convient-elle à Monsieur D? Oui, elle convient tout à fait à Monsieur D. Monsieur D va-t-il monter les bagages? Non, la femme de chambre va faire apporter les bagages. À quelle heure la femme de chambre va-t-elle réveiller Monsieur D? Elle va réveiller Monsieur D à 7 heures. Monsieur D va-t-il changer de chambre tout de suite? Non, il va changer de chambre quelques jours plus tard. Monsieur D n'est-il pas satisfait? Si, il est satisfait. Quand la famille de Monsieur D arrive-t-elle? La famille de Monsieur D arrive ce soir. Le gérant a-t-il des chambres communicantes? Oui, il a des chambres communicantes. Sont-elles libres? Oui, elles sont libres. Monsieur D va-t-il remplir des fiches? Oui, il va remplir des fiches. Quand? Tout de suite. Le gérant a-t-il la monnaie de 100 francs? Oui, il a la monnaie de 100 francs. Grammar 1. Noun marker 1. Learning drills. Learning drill 1. Avez-vous une fiche? Avez-vous une fiche? Une chambre? Avez-vous une chambre? Une sœur? Avez-vous une sœur? Une fille? Avez-vous une fille? Une salle de bain? Avez-vous une salle de bain? Une femme de chambre? Avez-vous une femme de chambre? Une classe? Avez-vous une classe? Learning drill 2. Ils ont une fiche. Ils ont une fiche. Des fiches. Ils ont des fiches. Une sœur. Ils ont une sœur. Des sœurs. Ils ont des sœurs. Une nouvelle. Ils ont une nouvelle. Des nouvelles. Ils ont des nouvelles. Une chambre. Ils ont une chambre. Des chambres. Ils ont des chambres. Une salle de bain. Ils ont une salle de bain. Des salles de bain. Ils ont des salles de bain. Learning drill 3. Ils ont un restaurant. Ils ont un restaurant. Un café. Ils ont un café. Un livre. Ils ont un livre. Un jour. Ils ont un jour. Un frère. Ils ont un frère. Un fils. Ils ont un fils. Un soir. Ils ont un soir. Learning drill 4. Ils ont un restaurant. Ils ont un restaurant. Des restaurants. Ils ont des restaurants. Un livre. Ils ont un livre. Des livres. Ils ont des livres. Un café. Ils ont un café. Des cafés. Ils ont des cafés. Un frère. Ils ont un frère. Des frères. Ils ont des frères. Un fils. Ils ont un fils. Des fils. Ils ont des fils. Learning Rule 5. Voilà un hôtel très bien. Voilà un hôtel très bien. Voilà des hôtels. Voilà des hôtels très bien. Voilà un enfant. Voilà un enfant très bien. Voilà des enfants. Voilà des enfants très bien. Voilà un ami. Voilà un ami très bien. Voilà des amis. Voilà des amis très bien. Voilà une amie. Voilà une amie très bien. Voilà des amis. Voilà des amis très bien. Learning Drill 6. Avez-vous une fiche? Avez-vous une fiche? Des fiches? Avez-vous des fiches? Un ami? Avez-vous un ami? Des amis? Avez-vous des amis? Un livre? Avez-vous un livre? Des livres? Avez-vous des livres? Une amie? Avez-vous une amie? Des amis? Avez-vous des amis? Un enfant? Avez-vous un enfant? Des enfants? Avez-vous des enfants? Une question? Avez-vous une question? Des questions? Avez-vous des questions? Une nouvelle? Avez-vous une nouvelle? Des nouvelles? Avez-vous des nouvelles? Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Avez-vous des enfants? Student. Oui, nous avons un enfant. Avez-vous des livres? Oui, nous avons un livre. Avez-vous des frères? Oui, nous avons un frère. Avez-vous des fiches? Oui, nous avons une fiche. Avez-vous des sœurs? Oui, nous avons une sœur. Avez-vous des questions? Oui, nous avons une question. Avez-vous des chambres? Oui, nous avons une chambre. Avez-vous des enfants? Oui, nous avons un enfant. Practice drill A2. Tutor. Avez-vous plusieurs frères? Student. Non, j'ai un frère. Avez-vous plusieurs sœurs? Non, j'ai une sœur. Avez-vous plusieurs fiches? Non, j'ai une fiche. Avez-vous plusieurs jours? Non, j'ai un jour. Avez-vous plusieurs questions? Non, j'ai une question. Avez-vous plusieurs chambres? Non, j'ai une chambre. Avez-vous plusieurs salles de bain? Non, j'ai une salle de bain. Avez-vous plusieurs étages? Non, j'ai un étage. Practice drill A3. Use D only when necessary. Ils ont un frère. Ils ont un frère. Sœur. Ils ont une sœur. Fiche. Ils ont une fiche. Bagage. Ils ont des bagages. Fille. Ils ont une fille. Fils. Ils ont un fils. Chambre. Ils ont une chambre. Café. Ils ont un café. Restaurant. Ils ont un restaurant. Vacances. Ils ont des vacances. Livre. Ils ont un livre. Hôtel. Ils ont un hôtel. Practice drill A4. Tutor. Voilà les bagages. Student. Voilà des bagages. Tutor. Voilà le café. Student. Voilà un café. Voilà l'hôtel. Voilà un hôtel. Voilà le livre. Voilà un livre. Voilà les livres. Voilà des livres. Voilà la classe. Voilà une classe. Voilà la question. Voilà une question. Voilà la chambre. Voilà une chambre. Voilà le café. Voilà un café. Voilà la fiche. Voilà une fiche. Voilà le restaurant. Voilà un restaurant. Practice drill A5. Tutor. Voilà votre salle de bain. Student. Voilà une salle de bain. Tutor. Voilà vos bagages. Student. Voilà des bagages. Voilà votre chambre. Voilà une chambre. Voilà vos bagages. Voilà des bagages. Voilà votre café. Voilà un café. Voilà votre fiche. Voilà une fiche. Voilà vos livres. Voilà des livres. Voilà votre porte. Voilà une porte. Voilà vos fiches. Voilà des fiches. Voilà votre livre. Voilà un livre. Voilà votre classe. Voilà une classe. Voilà votre restaurant. Voilà un restaurant. Grammar 2. Noun marker. 1, 2, 3, etc. Learning drills. Learning drill 1. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. 6 ans. Elle a 6 ans. 3 ans. Elle a 3 ans. 2 ans. Elle a 2 ans. 13 ans. Elle a 13 ans. 14 ans. Elle a 14 ans. 16 ans. Elle a 16 ans. 15 ans. Elle a 15 ans. Learning drill 2. Il y a 10 livres. Il y a 10 livres. 6 livres. Il y a 6 livres. 3 livres. Il y a 3 livres. 2 livres. Il y a 2 livres. 10 livres. Il y a 10 livres. 6 livres. Il y a 6 livres. 3 livres. Il y a 3 livres. 2 livres. Il y a 2 livres. Learning drill 3. Il a 11 ans. Il a 11 ans. 11 fiches. Il a 11 fiches. 12 ans. Il a 12 ans. 12 fiches. Il a 12 fiches. 13 ans. Il a 13 ans. 13 fiches. Il a 13 fiches. 14 ans. Il a 14 ans. 14 fiches. Il a 14 fiches. 15 ans. Il a 15 ans. 15 fiches. Il a 15 fiches. 16 ans. Il a 16 ans. 16 fiches. Il a 16 fiches. Learning drill 4. Il a 4 ans. Il a 4 ans. 5 ans. Il a 5 ans. 7 ans. Il a 7 ans. 8 ans. Il a 8 ans. 9 ans. Il a 9 ans. 17 ans. Il a 17 ans. 18 ans. Il a 18 ans. 19 ans. Il a 19 ans. Learning drill 5. Ils ont 5 livres. Ils ont 5 livres. 10 livres. Ils ont 10 livres. 8 livres. Ils ont 8 livres. 1 livre. Ils ont 1 livre. 2 livres. Ils ont 2 livres. 6 livres. Ils ont 6 livres. Learning Drill 6. Il a 9 ans. Il a 9 ans. 9 francs. Il a 9 francs. 9 livres. Il a 9 livres. 7 ans. Il a 7 ans. 7 francs. Il a 7 francs. 1 an. Il a 1 an. 1 franc. Il a 1 franc. 17 ans. Il a 17 ans. 17 francs. Il a 17 francs. This is the end of tape 3, unit 2.